Boston, la misère. 89.1. Directement des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est les palmarès, c'est beau! Bonsoir et bienvenue au palmarès, c'est fou pour la semaine qui se trouve à être du 13 au 19 novembre 2009. Vous savez, si vous écoutez régulièrement les palmarès, c'est fou qu'on ressort les thèmes fantomatiques deux fois par année, le 31 octobre à l'Halloween et aussitôt que vendredi 13. Et là, ça tombe deux semaines d'affilée, tu sais, deux émissions d'affilée, il n'y avait pas d'émission la semaine dernière. Donc nous voilà, en pleine émission épeurante du vendredi 13. Ça veut dire qu'on va juste souligner les 13e positions tantôt en disant « Hey, c'est 13e, ça va être super la fin ». Si vous étiez pas là il y a deux semaines à la dernière émission des Palmarès C'est fou, alors vous savez peut-être pas que nos numéros 1 étaient là. Hein? Et la semaine passée, ben, il y avait un palmarès de construit, mais il n'a pas été diffusé, donc je vais vous dire à la place les numéros 1 de la semaine dernière. Du côté franco, c'est un peu confus. Hein? Numéro 1 franco, c'était Fred Fortin avec La Merveille Masquée, alors que du côté anglo, c'était Tegan and Sarah avec Hell. On va savoir d'ici la fin de l'émission à 20h si ça tient. Par rapport à la semaine dernière, encore là, je le souligne, mais par rapport à la semaine dernière, nos nouvelles entrées, il y en a seulement 8, d'accord? 8, c'est beaucoup. Et donc, si on ajoute celles que j'ai jamais entendues la semaine passée, mais il y en a comme 14 millions de nouvelles entrées. Donc, on va y aller rapidement. Il y a Patrick et Brut, Hôtel Morphée, Mimi Van Der Loot, Chinatown, Steveville, Islands, The History of et Tommy T. Hein? Donc, on va commencer avec les 20e positions. Du côté anglophone, il va y avoir Tommy T avec The Call. On va débuter ça avec Chinatown. Voici leur peut-être futur succès. Tu es un hit. On est pas barré, c'est fou! 89.1 FM! Je te donne la vie. Et crois-moi qu'elle est chouette, ma vie. Mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Oui, je le veux, qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes yeux des chansons tristes, oh si tristes. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Moi je te tiens la porte et allons battre la semelle en des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte jusqu'à ce que l'ennui nous sépare, jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. une plage au milieu des tristesses. Numéro 20. La formation a History Of avec Munition Ships de leur album Action in the North Atlantic. C'était précédé de Mi Vadarlo et Demain je travaille. Ça, c'est les 19e positions. Et avant ça, on a entendu les 20e du côté anglophone, Tommy T avec The Call et Chinatown avec Tu es un hit. En passant, Tommy T de Gogol Bordello. C'est de là que vous connaissez peut-être. Vous êtes toujours dans les palmarès. C'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On va se lancer une autre petite rafale. Ça, c'est un bloc de 4 pièces. On va faire un autre bloc de 4 pièces. On va entendre les 17e et 18e positions. Commençons par les 18e. Du côté anglophone, il y a Islands avec Vapors. Mais on s'en va entendre tout de suite Hôtel Morphée. Voici Danse sur les toits. Vous êtes assez fou. 89 FM. Regarde par la fenêtre si tu as mal au cœur. Laisse grandir le moteur. Défiler les acteurs. Descends doucement la vitre. Prends un grand soupir. C'est pas ta fin du monde. Prends ton temps et respire. Encore plus fort. Je sais que t'es fatigué, que t'as assez volé, que même les nuages reconnaissent ton visage. Ma main sale de plomb verse des larmes de béton. Je sais qu'il est trop tard pour aller jouer dehors. Numéro 18. the vapors might make you wet. Well, I hope I say she ain't. Home I entertain, hoping you get dancing feet, hoping that you like a bean, and I hope you don't complain. Don't. Ben, c'est la retour. Il y a la dernière nouvelle entrée de la semaine. Steve Hill and the Majestics et The One. Mais avant ça, voici ce qui s'en vient lundi à cnx.zip. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou 89. 89. Numéro 17. Steve Hill and the Majestics avec la pièce The One. C'est tout nouveau en 17e position anglophone. Avant ça, on a entendu Patrick et les Brutes avec Chez Candy de l'album Toutes les filles sont folles de moi. C'est aussi nouveau. Même chose pour les 18e de chaque côté. On est du côté anglophone Islands avec Vapors. C'est une pièce qui tourne beaucoup. C'est fou déjà. Même si elle n'était pas dans le palmarès, là, elle l'est. Donc, ça va donner une raison de plus de la jouer encore plus. Et avant ça, au début du bloc, il y avait Hôtel Morphée et Danse sur les toits. C'est nouveau, ça aussi. Ça vient de leur maxi Hôtel Morphée. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est pour vous offrir. C'est un top 20 francophone et un top 20 anglophone, mais c'est aussi le top 30 des CD, le top 3 des disques canadiens, le top 10 électronique et le top 10 loud. Donc, regardons-les un petit peu tous ensemble. Plusieurs nouvelles entrées dans le top 30 des CD, j'en compte 3. En 30e, Tom Waits avec Glitter and Doom Live. En 20e, Tommy T, qu'on a entendu plus tôt avec The Prester John Sessions. Même chose pour Islands en 18e avec Vapors. Dans le top 3 maintenant, ça monte de 3 places. En 3e position, oui. You Say Party, We Say Die avec XXXX. En 2e, ça monte de 2. We Are Wolves et Invisible Violence. Et finalement, en 1e, C'est Stable, Tegan and Sarah avec Sainthood. Dans le top 3 des disques canadiens, c'est pas mal la même chose que dans le top 30. Donc, You Say Party, We Say Die, We Are Wolves et Tegan and Sarah. Donc, les 3 du top... les 3 meilleures positions du top 30 sont canadiennes. C'est ce que ça veut dire. Hein? On se comprend là-dessus, là. Côté top 10 électronique, il y a 2 nouvelles entrées. En 7e, Easily Embarrassed avec Planet Discovery. Et en 5e, Biobazar avec Futuristic Psychedelic Archives. Biobazar, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est local, c'est excellent. Et c'est Danny Janvier qui anime aussi le dîner de con. Et en semaine, lundi au jeudi, de 11h à 13h, ici à CIF. Le top 3 est stable. En 3e, Vitalik avec Flash Mob. En 2e, Dropa avec Well Orchestrated Plan. Et en 1e, Space Full of Astronauts avec Nano Music. On termine avec le top 10 loud. Il n'y a pas de nouvelles entrées. En 3e, ça monte de 3 à L'Esprit du Clan avec L'Enfer, c'est le nôtre. En 2e, ça monte de 3 aussi Megadeth avec Endgame. Et finalement, le numéro 1 est Sacrifice avec The Ones I Condemned. Voilà pour vos autres palmarès. Retournons à nos deux top 20 qui sont donc fins. On est rendu aux positions numéro 16. Du côté anglophone, on trouve Priestess avec Recognize qui monte de 4 places. C'était nouveau la semaine dernière. Mais avant, voici Yann Perrault qui descend directement de 10 positions. Pardon, il descend de la 6e. Ah, voici l'amour se mère, un peu comme moi. Hein. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. J'entends les échos au salon, le chant de bataille fume, le son des clairons pleure, la lune cachée, l'amour se meurt, c'est la fin. Oh, numéro 16. La pièce s'appelle Raccoon Eyes. C'est en 16e position anglophone. Ça monte de 4 places. C'était nouveau la semaine dernière. Avant ça, du côté franco, il y avait Yann Perrault et L'Amour se meurt qui descendent de 10 positions. Donc, c'était le numéro 6 la semaine passée. Ça fait 6 semaines que c'est dans le palmarès. Et ça n'a pas techniquement longtemps, ça. En 15e anglophone, on retrouve Dead Man's Bones avec In the Room Where You Sleep qui monte d'une place très, très tranquillement, ça. Dead Man's Bones, je sais pas, ça a pas l'air de vouloir prendre en feu puis monter au sommet vite, ça. Ça va être lent, un peu. J'espère que ce sera pas mort trop bientôt, Dead Man's Bones, on la comprend. On va entendre la 15e position francophone avant que je fasse un fou de moi. Elle descend de 2 places. Voici les mal léchés et la taverne d'à côté. Vous êtes au palmarès, c'est fou! Au 89.1 FM. Et ça, ben, c'est la radio campus de Trois-Rivières, je veux dire, faudrait pas se tromper là-dedans. Sinon, hein? Non. Alors restez-vous. 89 fois. Juste à côté de la job, y'a la taverne des mal léchés. C'est pas ben, ben propre, c'est mal éclairé. Stanley toujours là, ben pacté. Mais nous autres, ça nous fait rien. C'est pas pour ça qu'on y va. On y va, c'est parce qu'on aime ça. Gardez le cul à José. Une vieille horloge, la mosse, nous dit quand il est l'heure de farmer. Une vieille table de boule avec le tapis déchiré. Un jeu d'or inutile, prendre la poussière dans un coin. Y'a rien qui sait de ton épin, c'est pas une place pour les faunés. Un, deux, trois. Si tu cherches la bataille, c'est que tu vas trouver. Les gars assis au comptoir sont pas là pour se faire achaler. Ils viennent prendre leur bière après leur grosse journée. Ils l'ont bien mérité. La place commence à chauffer, gros, le vient d'arriver. C'est lui qui vend de la poudre, il travaille pour t'aider. Certains seuls l'arrachent, vendraient le vin pour 25 piastres pour se poudrer le nez. C'est parce qu'on aime ça. Numéro 15. Thank you.

DJ Champion et So Big en 14e position anglophone. Ça monte de 4 places sur l'album Résistance. Et c'est la deuxième pièce de cet album-là après Live Again à être dans nos palmarès. C'est assez fou. Avant Champion, du côté franco, on a entendu Les Maléchés et La Taverne. En fait, non? Non. Je retire mes paroles. On a entendu Vincent Vaillant et Le Temps est long qui descendait de 4 places. Eh ouais, c'est comme ça. C'est la fin de la première heure des palmarès. C'est fou, il y en a une deuxième tantôt. Vous savez, on est vendredi 13 aujourd'hui. Hein, je le répète, c'est l'édition vendredi 13 des palmarès. C'est fou. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est vendredi 13, ça veut dire... Ça veut rien dire, finalement. Tantôt, la musique de Metric et Dime Manukun, The Mars Volta, Band of Skulls, Ariel, le nom, mais Fatal Picard et pas d'autres affaires. Restez avec nous, c'est les palmarès. C'est fou. Bon, donc c'est la deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 13 au 19 novembre 2009. J'essaie de dire palmarès, c'est bouh, parce que c'est le 13 septembre, mais je m'en fous de plus en plus au fur et à mesure que l'émission avance, tu sais. C'est vraiment le fun. Donc, il y a toujours dans le top 20 francophone et anglophone, dans ce condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. On est rendu aux positions numéro 13. Et donc, justement, ben, c'est vendredi 13, donc c'est mes positions préférées, hein. Ce sont les positions de la semaine! On le disait dans le temps. Donc, du côté anglophone, c'est Matrix avec Twilight Galaxy qui monte de 2 places. Mais avant, voici. Et attention ici, je le souligne, l'encart, le surligne et la minute jaune de celui-là. Voici Vanessa Parietaire qui sera en spectacle demain au Pub O'Callaghan de Sorel. Allez, voici avec Bois Vert. Et je vais être là. C'est un fan, t'es pas un fan? Non, c'est Vanessa Parietaire. C'est eux qui font la chanson thème, tu sais, Assemblage qui peut s'agir. Tant mieux. numéro 13. Chucky Twilight Galaxy en 13e position anglophone, ça monte de deux places. Avant, c'était Vanesse Pariétaire et Bois Vert qui montent de la 17e position. Vanesse Pariétaire, évidemment, leur CD est toujours gratuit sur vanessepariétaire.com. Ils vont être en spectacle demain, oui, demain, 14 novembre, samedi, au Pub O'Callaghan avec We Are Wolves et Parler. Ça, c'est à Sorel. Soyez-y, j'y serai. On est rendu aux positions numéro 12. Du côté anglophone, c'est Dee Mannequin avec Miss Americant qui est stable. Mais avant, voici un succès qui est aussi stable. Ça fait 9 semaines que c'est dans le palmarès. Voici Ariel et Faux Filet. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89.1 FM.

Band of Skulls et Fires. C'est la position numéro 11 anglophone, ça descend de la 7e. Ici, dans les palmarès, c'est fou. Avant ça, du côté francophone, on a eu les Fatal Picard avec C'est l'histoire d'une meuf qui descend de 3, en fait, de la 3e position, oui, pour venir se loger en 11e place de l'album Le sens de la gravité. Là, c'est vrai, on est rendu dans la deuxième moitié des palmarès. C'est là qu'on franchit le pas de porte. Hein? Le porte. Donc, on fera une petite pause et puis on revient pour la deuxième moitié de l'émission. Restez là. Bon, on est toujours dans les palmarès, c'est fou, version vendredi 13, hein, parce que c'est tellement quelque chose d'important, ça, le vendredi 13, ça donne pas d'allure. On est rendu position numéro 10, oui, du côté anglophone, c'est The Mars Volta avec Cotopaxi qu'on va entendre, et ça monte d'une place, mais avant, tout de suite, voici le nombre et DB Cooper. C'était nouveau la semaine dernière, je suis dans les palmarès, c'est fou, au 89.1 FM. I'm 10. Paxi de la formation de Mars Volta est en 10e position anglophone, ça monte d'une place. Avant ça, c'était DB Cooper de la formation Le Nombre. Et ça, ça monte directement de la 20e place, donc ça a franchi le palmarès de moitié en une seule semaine. C'était nouveau la semaine dernière, tout ça. Vous êtes dans les palmarès C'est Fou, un condensé de la meilleure musique que C'est Fou à vous offrir. En passant, je vous invite à venir sur le www.cifou.ca pour voir la programmation de C'est Fou, le palmarès, les balado-diffusions et tout, et tout, et tout. Même des fonds d'écran téléchargés, c'est nos www.cifou.ca. Et tant qu'à être sur le internet, allons voir assemblagerequis.com pour en savoir plus sur les palmarès C'est Fou, Assemblage Requis, la dernière porte à gauche, c'est cnx.zip, sont les émissions que moi et mon collègue et bon ami Kiwan animons. Donc, c'est le assemblagerequis.com. Je traîne comme ça, comme bonjour. On est rendu au position numéro 9. Du côté anglophone, c'est Hockey avec Too Fake. Et ça, Hockey, ça se dit normalement sans le fond de gorge, comme Hockey, comme je l'ai fait. Donc, Hockey et la formation Too Fake, ça monte de 10 places. Wow! Mais avant, voici une pièce qui est stable. C'est Ouvre nous mène d'Alexandre Désilet au palmarès, c'est fou! Au 89 FM, c'est la radio campus de Trois-Rivières. Je ressors les coups que tu déploies, comme si mon cœur pouvait les prendre. Sois au bout de ta clémence, je saurai aller à ta rencontre. Chasser les démons et nous sortir de l'ombre. Je m'en vais briser le silence au-delà des mots qu'on veut entendre. Hockey et Too Fake, qui monte de la 19e position la semaine dernière, maintenant à la 9e, donc saut de 10 places. La formation Hockey et leur album Mind Chaos. La 9e position francophone est occupée par Alexandre Desilets et Où vent nous mène, ça c'est stable. On est rendu aux 8e position, mais avant ça, je vous rappelle encore une fois que j'anime avec Kiwan l'émission Assemblage Requis qui est diffusée du lundi au jeudi de 15h à 17h. Hein? Très bonne petite émission culturelle, sympathique, avec plein de chroniqueurs qui viennent former ce genre de gros casse-tête qu'on appelle Assemblage Requis. Donc c'est du lundi au jeudi, de 15h à 17h, allez voir assemblagerequis.com pour en savoir plus. En 8e anglophone, c'est Alice in Chains avec Last of My Mind qui monte d'une place. Mais avant ça, voici une pièce qui monte de la 18e. Donc c'était nouveau la semaine passée et ça a monté d'un méchant coup, ça. Voici les trois accords et pull pastel. Vous êtes dans les palmarès C'est fou, le condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Oui, ici, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. Le 89 FM, c'est fou, donc, vos oreilles. Hein? C'est dit avec une genre de... Ouais. super. Last of My Mind de Alice in Chains en 8e position anglophone du palmarès de C'est fou. Ça monte d'une place et c'est la fin de la 2e heure. Il nous en reste une 3e avec les positions 7 à 1. On va savoir si, comme la semaine passée, le numéro 1 était Fred Fortin avec La Merveille Masquée et Tegan and Sarah avec Hell. Donc, il nous reste une heure pour le savoir. Et en passant, pour ceux qui restent à l'écoute des palmarès C'est fou, juste pour les lutins de l'enfer qui sont après l'émission, ben, en fait, je vous le dirai pas parce que sinon vous allez partir. Ils sont pas là. À tantôt! Bonjour, c'est la 3e et dernière heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 13 au 19 novembre 2009. Je m'appelle Mathieu Plante. Il nous reste les positions 7 à 1 dans cette 3e heure. Je vous rappelle que la semaine passée, les numéros 1 étaient Fred Fortin et Tegan and Sarah. On se demande encore, la question est là, elle est vraiment présente. C'est comme il y a une tension dans l'air, là, hein? On sait pas s'ils sont encore numéro 1, donc il va falloir rester avec nous jusqu'à 20h pour le savoir. Comme je le disais, les lutins d'enfer sont pas là ce soir, donc on va peut-être s'étirer encore un petit peu plus les pépates, hein? Prendre leur place comme fou, bon. Bref, position numéro 7, anglophone, c'est Two Hours Traffic avec Noisemaker qui monte de la 13e place. Mais avant ça, voici We Are Wolves qui monte directement de la 19e avec leur position francophone, Larry Oblique. Je dis position francophone parce qu'ils ont une position anglophone aussi. Et ça, c'est très, très rare que ça arrive, vraiment extrêmement rare. Je peux compter ça sur le doigt d'une main que j'aurais comment plus de moitié à peu près. Ils sont du côté anglophone avec Paloma, qu'on entendra un petit peu plus tard, ou sinon beaucoup plus tard. Chaque fois que je fais ça, je sais que vous comprenez que c'est pas du numéro 1. Hein? Bon. Okay. Donc, allez, voici tout de suite We Are Wolves avec La Rue Oblique. Oh, palmarès, c'est fou! Oh, 89 FM! J'ai ici les gens qui traversent la rue en diagonale pour vrai, par exemple. Non, non, non, non, gars. En ligne droite, on se dépêche, on accélère la cadence. numéro 7. On marche ensemble sur le même boulevard.

Mercy Playground et Blackbird, position numéro 6 anglophone. Ça descend d'une place avec leur album Leaving Wonderland in a Fit of Rage. Rar, ça a méchant. Avant ça, du côté francophone, la 6e est occupée par Vu que t'es là de Shampoing, son album Les Experts. Vous êtes dans un condensé de la meilleure musique que Sifu a vous offrir. On appelle ça Les Palmarès, c'est fou. Et moi, c'est Crazy Magic. Crazy. Yeah, pas si crazy que ça ce soir quand même. Position numéro 5 maintenant, du côté anglophone, c'est Spiral Beach avec May Go Round in a Media, une de mes pièces préférées. Ça descend de deux places. Mais avant ça, voici Flat ou FLAT avec Technicolor, l'ancien numéro 2. Au Palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Et il faudrait que j'arrête de faire de l'aigu comme ça parce que ça la fout un peu. Je vis en technicolor, sans peur du décor. Au retour, Pete Yorn et Scarlett Johansson, mais avant, voici ce qui s'en vient lundi à Assemblage Requis. C'est vous dans ta face. 489-1-1-1-0-4. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. You can see that life's for us to talk about. You can leave whenever you want out. Whoa. But you don't. I didn't know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you ride home every day. I don't beg, I don't borrow, I steal. You don't think that life's for us to talk about. Pete Yorn et Scott Johansson avec Relator en quatrième position anglophone. Ça descend de deux places, mais ça, c'est vraiment bon. Alors ça, du côté franco, c'était la Pâte à Rose avec une autre très bonne pièce, Jessica, qui monte, elle, d'une place. Il y en a une qui s'en va par un bord, pendant que l'autre s'en va de l'autre bord. C'est un peu comme ça que ça marche dans les palmarès, c'est fou! Comment ça va être tard, hein? Quand je fais ça, là, c'est j'ai plus vraiment d'imagination en cela. Ah, donc, c'est un condensé de la meilleure musique que tu vas vous offrir, qui continue jusqu'à 20h. Ici, c'est les palmarès, c'est fou. En passant, je vous le rappelle une autre fois, et je le ferai sûrement encore d'ici la fin de l'émission dans une demi-heure. Les Lutins de l'Enfer ne sont pas là ce soir. Ils sont aux Trois-Rivières Metal Fest, donc allez le rejoindre là-bas. Hein? Bon. On est rendu aux positions numéro 3. Du côté anglophone, il y a You Say Party, We Say Die avec There's Love Within My Heart. Ça monte de 3 places. Mais avant ça, voici Fred Fortin et l'ancien numéro 1 de la semaine dernière, La Merveille Masquée tourne pour Léonie. Pendant que je vous rappelle que les Palmarès et Fous sont sur Facebook, sur le Twitter, sur le web, sur le partout. Donc il y a assemblagerequis.com, twitter.com, / Palmarès et Fous et sur Facebook, les Palmarès et Fous. Tout ça pour vous. Hein? Pour toi aujourd'hui, mais ça c'est une autre émission, ça, hein? Pour toi aujourd'hui, ça semble agréable. Hein? Je te dis qu'à la pentagone, je la vois qui se promène entre tes beaux dentiers. As-tu ben dit framboise et pomme? Pas trop compris, mais c'est ce que j'ai cru. Ça c'est de la bonne, c'est comme framboise et pomme. Elle emmène tout un train d'allant, la reine de ton père, le sucré, sa majesté. Des choses à quoi c'est pas ce qu'il y a d'érange, comme parler puis promener, ça gomme entre eux. Ça c'est de la bonne, c'est comme framboise. c'est de la bande, c'est comme t'as les yeux dans le même trou quand une ballonne te pète sur le nez. Ça pourrait être la chance pour un jaloux de s'approcher et de surprendre la merveille masquée. C'est de la bande, c'est comme framboise et pomme. Ça c'est de la bande, c'est comme. Ça c'est de la bande, c'est comme framboise et pomme. Ça c'est de la bande, c'est comme. Numéro 3. Now I have cried my share.

We Are Wolves et Paloma en deuxième position anglophone. Ça monte de deux places. Avant, c'était Mickey 3D et la footballeuse de Sherbrooke qui monte de 12 positions d'un coup sec. Ah ouais. Oh, vous savez que notre numéro 1 francophone est descendu en troisième place. On l'a entendu tantôt, Fred Fortin avec La Merveille Masquée, tourne pour Léonie. Mais on n'a pas encore entendu le numéro 1 de la semaine dernière. Donc, est-ce que ce serait pour une des premières fois depuis longtemps, ça, stable? Ben, probablement oui. Oui, ben, par processus d'élimination, c'est comme évident. Mais bon, en tout cas, bref. On est en zone numéro 1 et comme toujours, je ne nomme pas les numéro 1 parce que ce serait beaucoup trop facile de juste le dire comme ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme une guerre, les palmarès, c'est fou. T'sais. C'est comme en Irak, c'est comme... y a-t-il une guerre au Pakistan? Je sais pas. On a des amis, par exemple, là-bas. Hein, des amis au Pakistan. Fait que je pourrais pas faire de jeu de mots avec Imbra Stingra, par exemple, c'est le nom de la pièce, il n'y a absolument rien à dire avec ça. Du côté anglophone, je dirais que c'est tellement bon, ça, hein, c'est tellement bon. Je me croirais, je sais pas, je vais dire un endroit au hasard, le paradis, hein, certainement pas en enfer, hein. Hell, de Tegan and Sarah. Bref, voici, commençons par le côté francophone, nous aimons plus que ce temps, hein, parce que Imbra Stingra. Parce que c'était comme ça. C'est la tradition qui dit qu'on fait le franco en premier et l'anglo après. Rencontrer un être très, très, très. Yeah. C'était les grandes numéro 1. Hein, mettons son féminin un petit peu au pluriel. Tegan and Sarah avec Hell Stable en première position. Avant ça, c'était Imra Stingra de nos amis au Pakistan qui, elle, monte de 3 places. Les numéros 2 sont occupés par Mickey 3D avec la footballeuse de Sherbrooke et We Are Wolves avec Paloma. Et les troisièmes, Fred Fortin, Merveille Masquée et You Say Party, We Say Die avec There's Love Within My Heart. Voilà votre top 3 pour cette semaine des palmarès. C'est fou. C'est la semaine du 13 au 19 novembre 2009. C'est là-dessus que se termine cette édition des Palmarès C'est Fou. On va se retrouver la semaine prochaine, vendredi à 17h, mais en même temps, on va se retrouver avant, hein, lundi, 15h, pour Assemblage Requis. Soyez-y. Soyez là pour la pilule du lendemain à 7h aussi lundi, le dîner de con à 11h. Il n'y a pas de lutin de l'enfer ce soir parce qu'ils sont aux Trois-Rivières Metal Fest, alors ils vous retrouveront la semaine prochaine, vendredi à partir de 20h. Allez voir assemblagerequis.com pour la balado-diffusion de l'émission de cette semaine et toutes les autres émissions des Palmarès C'est Fou et d'Assemblage Requis et de Cenex.zip et de la dernière porte à gauche. Il y a aussi le CF.ca pour le site de la station. On va se quitter sur une deuxième pièce de Tegan and Sarah parce que j'ai écouté un petit peu le CD là, puis je trouve ça vraiment bon. Fais-tu le fun? Pourquoi ne pas en mettre une autre? On va y aller avec Don't Rush. Don't Rush, qui est la deuxième du CD. D'ici la semaine prochaine, ben, prenez soin de vous. Passez une très belle fête de semaine. Bye bye bye. Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye b